English Improvement de Brada. Chapitre 1er. Olga Mikhailov a un répertoire d'amis extrêmement varié. Elle s'en est pourvue pour toutes les circonstances de la vie. Elle a l'amie avec laquelle elle sort, celle chez qui elle prend le thé tous les jours, celle avec laquelle elle voyage à travers l'Europe, l'amie de théâtre, l'amie de cours, l'amie plastron, l'amie complaisante, l'amie indigène et l'amie compatriote. Elle les aime tout également, et en chatterie, en prévenance, elle se lave jusqu'au bout des ongles. Dans toutes les résidences, elle a laissé une infinité de chers auxquels elle écrit de charmants billets avec une fidélité exemplaire, se réservant en cas de retour l'entrée dans la coterie la plus en vue. Madame Mikhailov sait la valeur d'une amie et couvre de son mépris les femmes qui n'aiment qu'à s'entourer d'une cour masculine. Ce sont des maladroites, elle passe sans les voir. L'amie d'enfance est la véritable providence du ménage Mikhailov. Quand on s'ennuie trop ou que le corps diplomatique tout entier semble éteint, Madame Mikhailov s'en fait expédier une de Moscou et aussitôt, et en son honneur, allume ses bougies, danse, soupe et donne aux autres le prétexte d'en faire autant. Dans le marasme de Tenhaifen, la venue d'une amie de la belle Olga est une distraction précieuse, et d'autant que Madame Mikhailov n'en a point qui ne soit grandement ses cadettes, quoique invariablement juste de son âge, comme le fait charitablement remarquer M. de Glouskine. Madame Mikhailov était en froid avec son Excellence. Le printemps était mortellement triste. Ces messieurs des différentes légations, fort paresseux. Il fallait les inviter pour les avoir. Les soirées paraissaient éternelles. À bout d'expédients pour se distraire, Madame Mikhailov s'avisa un beau soir que marier une de ses cousines pauvres à quelques diplomates d'avenir serait à la fois moral, charitable et divertissant. Elle télégraphia sur l'heure l'envoi de la jeune personne, espéra tout du hasard et attendit. Vera Dogniev débarqua à Tenhaifen à l'heure dite. C'était une belle fille avec des yeux noirs et des cheveux blonds légers, soulevés et frisottants. Toujours des robes à traîne immense et le chignon épais tombant jusqu'au milieu du dos. Fort ennuyée d'être sans fortune et très décidée à faire tout au monde pour réparer cette erreur du sort. Elle était folle de joie de l'occasion que lui offrait sa cousine et l'embrassa avec une tendresse d'esclave. « Ma chère, dit la diplomatesse, ils s'ennuient tous à périr. Tu n'auras jamais pareil jeu. As-tu un goût pour une nationalité quelconque ?»« Non, Olga chérie. Eh bien alors, flirte avec les Anglais. Nous avons un choix. Ils sont trois et tous passablement riches. Le plus bête est Lion Joyce. Il est naïf et excellent garçon. Une femme mènera avec lui une vie de reine. Regarde-les bien. Dis-moi à qui tu plais, puis nous nous arrangerons, petite collègue mignonne. » Là-dessus, Vera baisa la main de Madame Mikhailov dans un transport de reconnaissance. Mais pour mener à Tenhaifen quelque affaire que ce fût, il fallait d'abord se faire un ami ou du moins un indifférent du ministre de Russie. Son Excellence fut donc invitée à dîner sans délai, et la petite compatriote qu'on lui présenta lui fit très humblement toutes les grâces de couleuvre qui lui étaient naturelles. Il fut froid mais affable. Un juge, mais un juge bienveillant. Et après le café, il se mit à interroger la jeune personne, il voulut la confesser. Cela l'amusait, se blasait, de voir le fond d'un cœur naïf. Celui qu'il voulait démasquer ne l'était pas, mais la fine petite mouche se laissa arracher l'histoire de sa vie, de sa famille, de ses espérances, et avoua avec une parfaite ingénuité qu'elle voudrait bien trouver un mari. Glouskine pensa qu'il n'y aurait rien de déplaisant à jouer le bienfaiteur vis-à-vis d'une si agréable blonde, et se sentit mieux disposé envers Madame Mikhailov depuis qu'elle avait chez elle de si jolies cousines. Il laissa donc partir les invités, prit son fauteuil des anciens jours d'intimité, et comme Madame Mikhailov s'approchait de lui pour lui offrir un autre verre de thé, il le lui fit poser, prit ses deux mains, les rapprocha devant lui, les regarda, les baisa tout doucement l'une après l'autre 5 ou 6 fois, puis une fois chacune sur la paume, et ils furent réconciliés du coup. Olga s'assit en riant et en le grondant de la meilleure grâce. « Est-ce que Vera vous a dit du bien de moi ?»« Oui, elle vous adore, et moi de même. »« Comme dans Il tempo passato ?»« Encore plus. »« Eh bien alors, Il faut m'aider dans ma grande entreprise. Quelle est-elle ? Un secrétaire à faire changer ? Non, il faut la marier, elle. Vera faisait un petit ménage devant la table à thé. Mais oui, c'est une idée. Avez-vous pensé à quelqu'un ? Que diriez-vous de Lyne Joyce ? Parfait. Mais c'est un garçon à passion. Rendez-le amoureux de vous, et puis faites-lui épouser Vera. Il doit aimer à s'immoler. À son défaut, nous avons le Hollandais Van der Bosch, un fort bon parti. Voulez-vous que je parle à la grande maîtresse ? Elle le voit souvent. Non, pour tout au monde. J'aurais voulu des tableaux vivants pour faire marcher tout cela. Mais Paul gronde tellement la dépense. Eh bien, pourquoi pas chez moi ? Oh, aimable ministre, que je vous aime. Ma chère, ne le dites pas si haut. Le lendemain, chez Madame de Santa Piera, qui était son amie de jour, Droutsky et deux ou trois de leurs intimités étant présents, Madame Mikhailov lança son idée. Je veux marier ma cousine à Lyne Joyce. Eh, madame, pourquoi Lyne Joyce plutôt que moi ? Demanda Droutsky. Pour mille et une raisons, mon cher, que je vous laisse deviner. Madame de Santa Piera trouva ce projet charmant. Ce Lyne Joyce est très gentleman. Tout gentleman qu'il soit, je vous parie qu'il ne se marie pas. Eh bien, monsieur de Boves, je tiens le pari, répondit Madame Mikhailov. Ce sera 100 louis si vous perdez, 5 si vous gagnez. Je le veux bien, mais madame, réservez soigneusement ces 5 louis. Et je tiens pour Olga, ajouta Madame Santa Piera. Et vous, Droutsky ? Et vous, Alvarez ? L'aimable Droutsky fut d'emblée de l'avis de ces dames. Monsieur Pepe Alvarez tint pour monsieur de Boves et les paris furent enregistrés. Mais de bonne guerre, ajouta Olga, et Droutsky des nôtres, avec sa vaillante épée, nous serons victorieux. Madame de Santa Piera voulut savoir si Lyne Joyce était déjà amoureux. Mais il ne l'a pas encore vue. Nous devons être présents à la première entrevue afin d'être témoins du coup. C'est de rigueur, dit de Boves. Du tout, vous gâteriez l'affaire. Si, ma chère, laissez-les venir. Je vais organiser une sauterie. Votre Vera doit danser comme un ange. Madame, dit monsieur de Boves, marié de votre blanche main me paraît un sort bien digne d'envie. Vous avez la permission d'épouser ? On vous sacrifiera, Lyne Joyce. Madame de Santa Piera protesta et développa sa théorie comme quoi rien ne nuit plus à la carrière que de se marier trop vite, tandis qu'il arrive un moment où c'est la plus utile chose du monde. Lyne Joyce en était évidemment là. On fut d'accord sur ce point. Toutefois, messieurs de Boves et Alvarez s'en allèrent fort persuadés de gagner leurs 5 louis. Chapitre 2e. Madame de Santa Piera resta tout un jour sans maudire le séjour de Tenhaifen, et le lendemain à midi, lasse d'attendre le soir, elle écrivit à Lyne Joyce d'avoir à venir lui parler. Il était à sa chancellerie, copiant la plus ennuyeuse dépêche, et fut charmé de se déranger. Madame de Santa Piera lui dit en matière d'ouverture qu'elle avait grande envie d'une robe de véritable homespun, et s'il n'aurait pas quelque occasion sûre. Puis, de la même haleine, s'il n'avait jamais été amoureux. Il avoua sans détour être fort sujet à ce mal, et que c'était, du reste, la seule chose qui lui fit prendre patience dans la carrière. Madame de Santa Piera l'assura qu'il fallait se marier, qu'il était créé pour les joies de la famille, qu'elle avait rêvé de lui, et qu'il devait indubitablement lui arriver quelque chose d'heureux. Lyne Joyce se demanda ce qui lui valait une si grande déclaration et se mit en devoir d'y répondre. Elle l'envoya promener, lui assurant qu'il se marierait parce qu'elle l'avait rêvé, qu'il n'oublia pas sa robe de homespun dont elle ferait le compte avec celui de l'Iris Bouquet, qui courait depuis 3 ans, puis elle l'expédia de réchef à la chancellerie. L'après-midi, elle raconta sa démarche à Olga et à ses messieurs. On la jugea très imprudente, quoique, pour le vrai, cette malice cousue de fil blanc eût fait rêver Lyne Joyce toute la journée, car se marier était depuis longtemps dans son esprit, sans que jamais il eût pu trouver le courage de faire la demande. Il avait même laissé à Stockholm une inconsolable personne, dont il aurait fait très volontiers sa femme, si préalablement il n'eût fallu le lui demander, et sa conversation avec Madame Santa Piera avait cruellement réveillé ce sentimental souvenir. Tous les secrétaires dînaient ensemble au cercle. Droutsky, qui remarqua l'air préoccupé de Lyne Joyce, se mit à le prendre à partie lui disant qu'il devait être amoureux. On ramassa la balle au bon. Il n'en faut pas tant à de pauvres diplomates. Lyon Joyce fut à l'unanimité déclaré amoureux. Ses collègues de chancellerie révélèrent qu'un mystérieux billet l'avait enlevé à ses austères devoirs envers la patrie qui le payait et qu'il était revenu avec la mine qu'on lui voyait. Le pauvre Lyon Joyce, qui était timide comme il n'y a qu'un Anglais barbu pour l'être et qui rougissait comme une fillette, se défendit de toutes ses forces. Ce fut en vain. De qui Lyon Joyce est-il amoureux ? Ce doit être de la vieille Teufelsbrook, dit Michel Platoff, la plus méchante langue du corps diplomatique. Moi, je parie pour la princesse elle-même. Non, ce sera madame de Santa Piera. Toutes les femmes y passèrent. Et la belle Olga ? Nous ne pensons plus à elle. Sûrement, Lyon Joyce est fou de madame Mikhailov. Ne serait-ce pas de l'ami d'enfance ? Ajouta Platoff. Droutsky, Debove et Alvarez se regardèrent. Oui, oui, c'est de l'ami d'enfance. Messieurs, cette fois l'ami d'enfance de madame Mikhailov n'a pas 20 ans, et il me semble que ce doit être la fille d'une amie d'enfance. Lyon Joyce veut l'enlever et l'emmener aux Indes. Il eut beau jurer ne l'avoir jamais envisagé, on décida, premièrement, qu'il était amoureux, deuxièmement, que c'était de mademoiselle Vera. Lyon Joyce eut grande envie de ne pas aller chez madame de Santa Piera, puis la curiosité l'emporta, et une rose fraîche à sa boutonnière, il entra. On l'attendait. Lui fit bon front, son binocle dans l'œil gauche, ce qui était son unique originalité. On l'entoura, on le pria d'être calme, on l'assura qu'elle était là, et sans trop savoir comment, il se trouva devant Vera, à qui on le nommait. Elle leva sur lui un regard approbateur qui semblait dire « Je sais que vous êtes amoureux de moi, et je le veux bien. » Puis elle dit quelques mots et le quitta comme on ferait d'une vieille connaissance. Lyon Joyce se demanda s'il était épris de cette personne sans l'avoir connue. C'est qu'elle a l'air de le croire. Les collègues vinrent l'assurer qu'il aurait toute liberté pour faire danser Vera, que du reste, elle lui avait réservé le cotillon. Madame Mikhailov passait sur ce mot. « Ah, ce bon Lyon Joyce dans le cotillon avec ma cousine, comme c'est gentil !» Il n'y avait plus à s'en dédire. Vera arriva, et avec ses mines de chatte, lui demanda pourquoi il ne faisait pas ses invitations lui-même, et pourquoi il lui avait envoyé demander le cotillon. « Je ne vous fais pas peur pourtant. Faisons-nous un tour de valse. » Lyon Joyce était moitié désespéré, moitié charmé. Il aurait voulu être à 1000 pieds sous terre, et cependant, valser à contre-temps avec tous ses cheveux blonds volant devant ses yeux était agréable. Quand ils s'arrêtèrent, il n'eut pas un mot à dire, mais Vera parla pour deux et l'assura de sa fidélité pour le cotillon. Madame de Santa Piera l'appela du geste. « Eh bien, voilà mon rêve réalisé. Vous êtes amoureux, mon pauvre Lyon Joyce. Je ne vous reconnais plus. Vous vous marierez, vous serez heureux, et vous me direz si je lis l'avenir ou non. » Droutsky et les autres s'étaient rapprochés. Qui aurait cru que Lyon Joyce serait sournois à ce point ? Vous étiez charmants du reste, tous les deux. Vous pouvez vous vanter d'avoir de la chance. Mais je vous assure, protesta Lyon Joyce. Puis, en garçon le mieux élevé du monde, il craignit de déprécier Vera. Ce n'est pas que mademoiselle Vera ne soit charmante. Ah, il veut bien l'avouer. On guettait les portes, car on craignait un coup de tête, et Lyon Joyce fut gardé à vue. Il cotillonna, soupa, et à 3 heures du matin, les collègues voulurent le reconduire chez lui triomphalement. On le quitta en l'assurant qu'il était marié. Chapitre 3e. Le lendemain de grand matin, le valet de pied des Mikhailov sonnait au logis du garçon de Lyon Joyce et y laissait un billet, sur l'enveloppe duquel se dessinait un fulgurant Olga. 5 minutes après venait une missive identique, cette fois apportée par un valet de la légation de Portugal, puis un pli à l'air sérieux envoyé par son Excellence le ministre de Russie. Il y avait des réponses, mais monsieur était sorti. Bien des personnes s'étaient ce matin-là réveillées tout occupées du bon Lyon Joyce, qui d'habitude ne passionnait pas l'opinion. Madame Mikhailov avait eu un réveil triomphant. C'était un succès, cela la mettrait à la mode, et elle se ferait prêter par le mari 30 000 francs dont elle avait grand besoin. Quant à la blonde Vera, elle souriait depuis plusieurs heures à toutes sortes de pensées qu'elle ne disait point, et se mirait avec une infinie complaisance. Enfin, elle avait été portée elle-même à sa cousine son chocolat du matin et l'avait adulée de caresses et de flatteries. Drutsky s'était dit que Linejoy était encore plus facile à mener qu'il ne l'avait cru. Serait-il devenu amoureux à première vue? Cela lui faisait penser que Vera était très séduisante et qu'une flirtation aurait été fort agréable sans cette ennuyeuse Olga Mikhailov pour vous traîner à l'hôtel. Quant à Glouskine, il était absolument décidé de mettre en jeu toute sa diplomatie pour contribuer au bonheur de sa jeune compatriote, et de Bove et Alvarez avaient décidément grand-peur pour leur 100 louis. Tout le monde s'était avant 10 heures entendu par lettre pour être à 3 heures chez Glouskine afin de convenir des tableaux vivants. Madame Mikhailov avait à 2 reprises envoyé chez Linejoy, qui était toujours sorti. « C'est-à-dire qu'il dort, » s'était dit Olga, en songeant à son mari, M. Mikhailov, qui se couchait habituellement à 6 heures du matin et jusqu'à 2 heures de l'après-midi n'était invariablement sorti dans son lit. « Il viendra chez Glouskine, on peut être tranquille. » Vera ne disait rien et arriva toute souriante, modeste et blonde, chez le ministre qui les attendait et reçut sa compagnie avec sa courtoisie des bonjours. Madame de Santa Piera parlait pour tous. Elle embrassa Madame Mikhailov, puis Vera, et fit mine de mettre par erreur son bras autour du cou de Glouskine, offrit ses 2 mains à ses adorateurs et déclara qu'elle était la personne du monde à qui le bonheur d'autrui faisait le plus de plaisir. « Ce bon Linejoy, cet excellent Linejoy, pourquoi n'arrivait-il pas ? Quel tableau ferait-on ? » Madame de Santa Piera, qui ne brillait pas par les idées originales, proposa Faust et Marguerite. Ce fut un cri général. « Enfin, tout ce que vous voudrez. Linejoy, c'est si beau garçon. On peut l'habiller en ce qu'on veut. Et Vera est un amour. » « Mais pourquoi Linejoy n'arrivait-il pas ? » En l'attendant, Vera se promenait à petits pas de long en large à côté de Glouskine. Ils regardaient à la fenêtre, puis reprenaient leur promenade à travers les salons sans avoir l'air autrement impatienté. Au bout d'une demi-heure, Madame Mikhailov se déclara cruellement inquiète. « Les Anglais sont si originaux. Linejoy s'est peut-être suicidé. » Drutsky s'offrit pour aller vérifier le fait et partit. Il fut impossible à Olga de dire une parole. Elle était accablée et laissa discuter devant elle la question d'Hamlet et d'Ophélie, d'Esmeralda et de sa chèvre sans y prendre part. De Bove et Alvarez ne lui ménageaient pas les airs triomphants et se disaient persuadés du suicide du malheureux Linejoy. Vera se tenait à l'écart, toute froide, calme, avec son teint blanc, sans une once de trouble et le cœur battant à rompre, les détestant tous en ce moment puisqu'ils étaient témoins de son humiliation. Madame Mikhailov l'admirait et pensait qu'avec une fille de si bon esprit, il n'y avait rien de désespéré. Drutsky revint. Vera tournait le dos à la porte et ne fit pas un mouvement. « eh bien, il vous suit? Il vient? Il est mort? Il est enlevé? Il est malade ?» Drutsky les regardait avec un désespoir comique, puis, après une pause étudiée, « Il est parti !» s'écria-t-il en pouffant de rire. C'est ainsi que se termine English Improvement de Brada.